Si vous parlez là, en qui j'en m'en périvé, décollé. Si vous parlez là, en qui j'en que moins que échauffé. Ça ou les pour tout petit, mais on fait ça ou ouais.